aurait quelques libérés de plus. Et puis après, on part avec les gens de respect à la manif des 18 et le 28. C'est ridicule. C'est franchement ridicule. Qu'est-ce qui est ridicule? Parce qu'on m'a vraiment compris, tu vois, qu'ils nous ont tous, ils nous ont dit comme ça, « Ah, vous êtes ceux de l'ULB. » Et donc on a vraiment vu dans leurs yeux qu'en fait, ce qu'ils visent là maintenant, c'est pas l'action d'aujourd'hui. Parce que c'était purement symbolique, ça a duré 9 secondes 50. Normalement, ils auraient dû nous libérer sur le moment, quoi. Juste nous vider et à la limite, nous poser un PV, quoi. Prendre notre identité et tout, mais là, ce qu'ils veulent, c'est briser un mouvement qui s'appelle le CAS, et c'est sûr, quoi. Enfin, ça se voit trop, quoi. Là, ce qu'ils veulent, c'est des gens qu'ils ont déjà pris en photo par le passé, qu'ils ont reconnu, sur lequel ils veulent mettre une pression pour pouvoir tourner une seule personne en judiciaire. Et on sait bien c'est qui. Et voilà, c'est quoi. C'est Yuri. C'est la bonne poire de... Oui, parce qu'il est tombé sur le flic, le pauvre. Et ça se voyait, quoi. Le flic, il ne voulait que lui, tu vois. T'avais plein de gens autour, il faisait tac, puis il se libérait, il était comme ça, tac. Il voulait que Yuri, quoi. C'était lui, quoi. Ouais. Les autres, il les a pas touchés, quoi. Donc tu penses carrément qu'ils ont eu des instructions sur les gens Sincèrement, oui. Vu la manière dont tu t'es reçu une baffe aussi, ça t'indique là-dedans. Non, ça j'ai bien compris que c'était parce qu'ils pensaient que j'étais Yuri. Mais et qu'après, ils ont vu sur les photos, Yuri, ouais. Voilà. Ouais, mais c'est bien ça. Ah non, mais c'était un truc de fou, quoi. Ils m'ont vraiment dit, toi, mon vieux, tu vas chier, quoi. Tu vas le sentir passer, quoi. Et moi, je me suis dit, putain. Et je sais bien que dans ce moment-là, je peux rien dire, alors je me suis dit, tant pis, quoi. Mais finalement, ils ont quand même compris, quoi. Et sur les cartes d'identité, quoi. Je voulais dire à ce moment-là aussi. Mais franchement, c'est ridicule. C'est clairement ridicule. Il y en a un, il va y aller. Oui, t'as pu se voir que ça fait un nouveau numéro.